franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jean Rouche, citoyen d'Ogon, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Philippe Noël, réalisée par Michel Sidorov. À 5 ans, il allait pour la première fois au cinéma avec son père admirer Nanook l'Esquimau de Flaherty. Ce fut une sacrée découverte pour le petit Jean Rouche qui se rappelle, sans dormir le soir, recroquevillé sur lui-même comme les petits chiens de Nanook dans la neige. Après la guerre et son retour à Paris en 1939, il rencontre au Musée de l'Homme, dans le Paris occupé, l'ethnologue Michel Griol, le meilleur connaisseur des Dogons du Mali, qui restera son maître à penser et lui transmettra sa passion pour l'Afrique. À 22 ans, il découvre ce continent et avec lui l'horreur du colonialisme et l'ethnographie. Il se met à filmer l'Afrique, des chefs-d'œuvre de poésie qui ont fait de lui un grand du 7e art. Avec Jean Rouche, le cinéma quitte ses cadres traditionnels pour nous transporter vers des chemins buissonniers, que cela soit en France ou en Afrique. Avec les maîtres fous, il applique sa théorie. L'Afrique, cela ne peut s'écrire, cela ne peut que se filmer. Déçu par les réactions aux projections de son film au Musée de l'Homme, Rouche se consacre à ce qu'il nommera l'anthropologie visuelle et il enchaîne les films africains. Jaguar en 1954, Moi, un noir, pour lequel il obtiendra le prix Louis de Luc en 1958, puis petit à petit. Il explore alors la piste de la fiction à l'intérieur du documentaire, retrouvant dans cette aventure les jeunes cinéastes de la nouvelle vague. Puis il tourne Chronique d'un été en 1961 avec Edgar Morin, un manifeste pour une liberté retrouvée, comme en 1965, son film Gare du Nord, une profession de foi de la nouvelle vague avec Chabrol, Godard et Romer. Rouche revendique sa subjectivité qu'il dénomme la ciné-trans. Il est alors très souvent à Niamey, au Niger, et décide de filmer lui-même, pratiquant en caméra à la main le plan séquence. Ne jamais couper à l'intérieur du plan, laisser vivre et être surpris par la vérité ainsi captée. Rouche gagne une influence grandissante. Il sort en 1974 Cocorico Monsieur Poulet, un road movie africain, une odyssée pleine d'humour de trois amis sillonnant la brousse nigérienne à bord d'une deux chevaux vétuste, et ça c'est un must. Mais Jean Rouche est aussi ethnologue et son initiation au mystère de la civilisation Dogon par Marcel Griol puis Germaine Dieterlin continue de le fasciner. Il poursuivra toute sa vie cette recherche initiée par le professeur Griol, comprendre la cosmogonie Dogon et filmer le Sigoui, une fête qui tous les 60 ans commémore la révélation de la parole aux hommes et la mort de l'ancêtre mythique. Mais cette recherche mystique, au cœur de la pensée et de la civilisation Dogon, en plein centre du Mali, c'est avec la fiction que nous allons la découvrir. Jean Rouche était surnommé le Renard Pâle, en référence à ce personnage Dogon, semeur de désordre, mais aussi annonciateur du lendemain. Jean Rouche, homme libre et singulier, personnage d'un passionnant roman, celui de sa vie. Après la fiction qui nous emmène au Mali, nous poursuivrons notre enquête avec notre invité Laurent Pellet, archéologue et ethnologue. Membre du comité du film ethnographique, il est aujourd'hui le délégué général du Festival international Jean Rouche, avec projection de documentaires ethnographiques, débats, rencontres, autant d'éléments qui expliquent et analysent le travail de Jean Rouche. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jean Rouche, citoyen d'Ogon, de Jean-Philippe Noël. Une réalisation de Michel Sidorov. Alors, en 1358, Sankaki, le conducteur de locomotive, ramasse les fusils pour l'autel du sacrifice. Le troisième possédé se lève. C'est qui? Je suis un peu perdu, là, d'amouré. C'est Capitaine Malia. Le capitaine de la Mer Rouge? Alors, là, pourquoi il marche comme ça? Cette drôle de marche, là, c'est quoi? Celui-là, il marche comme les Anglais. Comme les militaires anglais quand ils défilent. Tu sais, Jean, la marche de parade de l'armée britannique. Ah, c'est ça. C'est la slow march. Alors, attends. On va avancer un peu, là. Bah, celui-là. C'est le gouverneur. Oui. Et il parle français et il insulte tout le monde. La fameuse grande gueule des Français. Mais là, son lieutenant, il dit quoi avec ses gestes? Il dit, il entend le gouverneur et il n'est pas encore arrivé. Ce qui n'est pas encore arrivé, comme il dit, c'est l'Aouka, l'esprit. Oui, l'esprit du Aouka, celui-là qui va le chevaucher. Je comprends. À ce moment-là, ce que Jean Rouge comprend surtout, c'est que cette Afrique noire reste un monde insondable pour l'homme blanc, même pour lui qui l'aime et l'arpente depuis une dizaine d'années. Bien qu'ayant suivi un brillant cursus à l'École nationale des ponts et chaussées, Jean Rouge ne construira jamais ni pont ni chaussée. Depuis son plus jeune âge, il rêve d'Afrique. Parallèlement à sa formation d'ingénieur, il avait assisté au cours de Marcel Griaule, cet ethnologue qui a fait des Dogons, une ethnie malienne, sa spécialité. À 30 ans, Rouge embarque pour une improbable descente du fleuve Niger en pirogue. C'est durant cette croisière qu'il comprend que la caméra va désormais être le prolongement de son regard. Ce regard où se mêlent le plaisir de l'image et la curiosité de l'ethnologue. Une aventure à laquelle est déjà associé Damou Rezika, un jeune Nigérien d'une vingtaine d'années, qui l'accompagnera toute sa vie. En 1955, 10 ans plus tard, dans l'actuel Ghana, Damouré est donc aux côtés du cinéaste ethnologue lorsqu'il tourne « Les Maîtres Fous », un documentaire sur une secte religieuse. Un documentaire qui va déchaîner les passions. Ici, les esprits invoqués, les Aouka, ne sont pas ceux des traditions séculaires, mais ceux du gouverneur, du médecin ou du caporal. Des figures violentes, négatives, qui symbolisent les forces coloniales. Ces forces coloniales qui refusent encore l'indépendance aux pays africains. Dis-moi, Jean, je peux te poser une question? Bien sûr, Damouré. Quand tu étais à Paris, tu as montré le film au professeur Griaule? Oui. Mais il n'y avait pas encore les commentaires? Non, mais je les faisais en direct. Et il a dit qu'il fallait détruire le film? Le professeur Griaule, oui, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? S'il n'aime pas le film, il n'a qu'à pas le regarder. Ce qu'il n'aime pas, c'est ce que le film montre. Il montre des Noirs possédés. Le professeur Griaule sait que les Noirs sont parfois possédés. Oui, mais le film montre des Noirs possédés par des esprits nouveaux. Des dieux qui datent de la colonisation. Ce sont des dieux des villes, de la mécanique, de l'industrialisation. Tout ce que les Blancs ont apporté et auxquels sont confrontés les jeunes Noirs venus des campagnes. Des dieux qui les asservissent. Tu veux que je te dise? Le film montre, et je t'avoue que je ne le comprends bien que maintenant, comment les Africains pensent la période coloniale. Et c'est cette violence qui est difficile à accepter par les Blancs. Mais tu sais, quand j'ai montré le film au Musée de l'Homme, il y avait aussi des Noirs, ceux de la revue Présence Africaine, qui est une maison d'édition à Paris. À la fin de la projection, ils m'ont hué. Hué? Oui. Oui, ils ont fait « ouh, ouh ». Pourquoi ils ont fait « ouh, ouh » Faudrait leur demander. Mais je crois qu'ils n'aiment pas l'image de l'homme noir qui est présentée. Ils pensent que ça le dénigre. Comme si le cinéma présentait toujours le noir comme un sauvage, englué dans ses croyances et toujours possédé et en transe. C'est que ce ne sont plus des vrais Africains. Ils sont devenus trop blancs. Ce sont des intellectuels. Blancs, intellectuels, c'est pareil. Ils ont perdu la parole des esprits. Soutenu par le producteur Pierre Braunberger, Les Maîtres Fous sont diffusés en salle en même temps que le film de Bergman, La Nuit des Forains. Le documentaire qui obtient un prix à Venise aurait inspiré fortement Jean Genet pour sa pièce Les Nègres. En même temps, Rouge réalise ses premiers longs-métrages. Il tourne Jaguar, les chroniques de 3 amis africains qui se rendent à Accra pour faire fortune. Avec Moi, un noir, qui retrace les espoirs et les errances d'un jeune Nigérien venu à Abidjan gagner sa vie, il obtient le prix Louis de Luc en 1959. Moi, un noir, est considéré comme l'un des ouvrages précurseurs de la Nouvelle Vague. Pourtant, si Truffaut, Romer, Eustache ou Rivette tiennent Rouge pour l'un des leurs, lui restera un peu à l'écart, réalisant cependant quelques films qui aujourd'hui appartiennent à l'histoire de ce mouvement cinématographique. J'arrive. J'arrive. Jean, je suis contente de te voir. C'est quoi cette musique? Les Rolling Stones, tu connais? Ça va, je suis pas si vieux. J'ai pas dit ça. Ils ont donné un concert à l'Olympia, mais papa n'a pas voulu que j'y aille. Tes parents sont là? Non, ils sont au bureau. On a tout l'après-midi. Tu me fais un café? Oh, tu veux pas plutôt qu'on aille le boire en terrasse? Il fait beau. Bon, si tu veux. Super. Attends, je prends une veste. T'es rentré quand? Il y a une semaine. Ah, tu sais, je suis passé à Abidjan, j'ai vu Denise. Elle m'a dit de bien t'embrasser. Comment va-t-elle? Elle avait l'air d'aller bien. Ça te manque pas un peu, l'Afrique? Tu sais, pour moi, c'était pas vraiment un choix. J'y avais juste suivi mes parents. Et puis, Abidjan, c'est bien gentil, mais on s'y ennuie vite. C'est pas demain que les Rolling Stones viendront y faire un concert. La période que j'ai préférée, c'est quand tu as tourné la pyramide. Là, on s'est bien amusé. Quand j'y pense, c'est comme s'il y avait une sorte de parenthèse pendant toutes les années que j'ai passées en Côte d'Ivoire. Tout cela me semble si loin. Si loin, ça fait que 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Un quart de ma vie. Ah, ce qui fait beau. Combien de films tournés ensemble? 4. La pyramide humaine, Chronique d'un été, La punition, Les veuves de 15 ans. C'est pas mal. Tu en as un préféré? La pyramide, je crois. Ça m'a beaucoup amusé de jouer une fille qui n'est pas moi. C'était un peu toi tout de même. Ah non, cette fille était censée débarquer à Abidjan et ne rien connaître des relations entre blancs et noirs. Alors que moi, je vivais en Afrique depuis plusieurs années. Ça, c'était le prétexte pour montrer les rapports entre les blancs et les noirs dans un lycée. Oui, mais on devait chacun tenir un peu un rôle. La candide, le raciste, le sympa, le sportif. C'était drôle. Ça t'a plu et tu ne veux toujours pas devenir actrice? Non, je veux terminer mes études. Tu sais, j'ai refusé de jouer le rôle de Jean Seberg. Godard me l'avait proposé. Tu ne veux plus tourner avec moi non plus? Pour toi, si, bien sûr. Pour toi, c'est différent. Tu vas tourner un nouveau film? Tu connais Barbet Schroeder? Non, je crois pas. C'est un jeune producteur. Il veut réunir quelques cinéastes de la nouvelle vague. Godard, Romer, Chabrol aussi, je crois. Il veut faire une série de cours qui s'appellerait Paris vu par. Chacun doit partir d'un quartier de la capitale pour raconter une histoire d'une 20aine de minutes. T'as une idée? Pas vraiment, non. J'aimerais filmer un couple qui se sépare. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler en filmant de longs plans séquences. Chaque plan aurait la durée d'une bobine. En fait, on partirait d'un plan général sur le quartier de la gare du Nord et on rentrerait dans l'appartement. Tu as vu le film La Corde d'Hitchcock? Le premier plan serait un peu pareil. Comme si on volait vers l'appartement. Et une fois dedans, la caméra suit les deux personnages. Elle filme en temps réel leur dispute, sans coupure. Ça t'intéresse de bosser sur le scénar avec moi? Ce serait le matin. Ils seraient en train de prendre leur petit déjeuner. Et il faudrait que quelque chose déclenche une prise de bec entre eux. Il pourrait y avoir des travaux dans la rue. Et elle, elle se plaindrait du bruit. Mais aussi du bruit qu'il fait en buvant son café. Ah, il y a 2 places en terrasse. On y va? Deux cafés, mademoiselle. Donc, elle se plaindrait de sa vie. De sa petite vie coincée dans un immeuble triste et sans avenir. Et lui, il lui dirait qu'elle exagère. Alors elle lui reprocherait de n'avoir aucune ambition. Et qu'il a bien changé. Et qu'il ne la fait plus rêver. Je pense que c'est ça, toute ton ambition. Devenir chef de bureau. Oui, c'est pas si mal que ça, tu sais. Quand je serai chef de bureau, on aura une autre maison, on aura une bagnole, on pourra aller en vacances où on voudra. À quoi ça nous servira, on aura 40 ans? Là encore, tu te fais avoir. Mais tu t'en rends même pas compte. Jean-Pierre, tu es un minable. Mais ça suffit à la fin, alors. Enfin, merde, alors. Incroyable. Cette petite conne. C'est parce que t'es bien roulé? Non, mais enfin, vraiment. Il y en a des milliers comme toi, plus bas, rue Saint-Denis. Salaud! T'as qu'à aller les rejoindre. Ne me touche pas. Mais j'aurais dû m'en douter tout de suite de ce que tu étais, vulgaire, prétentieux. Écoute. Elle m'attend pas ce soir. J'ai pas envie de vivre avec une brute. Mais écoute, de toute façon, c'est pas moi qui t'ai frappé. Tu as bien failli. Mais. En tout cas, j'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Enfin, écoute, Odile. Sois pas ridicule. Écoute, Odile. On discute pour rien. Et ça, c'est rien? Regarde la tour Eiffel, regarde le Sacré-Cœur. Oh. Dans 6 mois, on sera comme dans un tunnel ici. Bah, écoute, c'est pas de ma faute. Et ce quartier? Quand je pense qu'il y a des gens qui habitent Auteuil ou Neuilly. Mais écoute. Odile, quand on se revoit, Odile, écoute, tu veux que je te dise? La seule chose bien que nous vous ayons apportée, c'est une bonne gauloise bien fraîche. À la tienne. Oh. Dis-moi, Jean, c'est vrai que les Dogons ont fait des funérailles au professeur Griol? C'est vrai. Ils ont ramené son corps à la falaise? Non. Sa famille ne voulait pas. Mais il voulait. Chez nous, tu sais, les morts n'ont plus grand-chose à dire. Mais comment vous pouvez avancer droit alors si vous ne prêtez pas l'oreille aux dires des ancêtres? Donc vous avancez dans le noir, sans mémoire et sans lien avec Dieu? C'est un peu ça, oui. Comment ils ont fait les Dogons, sans le corps? Ils ont fait comme pour les Dogons morts à la guerre quand ils n'ont pas le corps du soldat. Ils ont utilisé un mannequin. Et toutes les femmes du village ont pleuré le professeur, comme si elles étaient ses veuves. Il a dû être content, le professeur, d'avoir toutes ses veuves. Si le professeur est mort, ça veut dire que tu ne vas plus aller chez les Dogons? Bien sûr que je vais continuer de travailler avec eux. Et avec le professeur Germaine Dieterlin. La dame? Oui, la dame. Celle qui accompagnait toujours le professeur. Je lui ai promis à Griol d'être là pour le prochain Sigui. Tu te souviens? Lorsque nous l'avions rejoint sur la falaise de Bandiagara, au pays de ses chers Dogons. Alors, Rouche, comment trouvez-vous les Dogons? Vous avez croisé le vieil Ogotomeli? Oui, professeur. Quelle tête! Il faudra que je fasse des photos. Il est aveugle? Totalement. Mais je peux vous dire que je suis en train d'écrire avec lui l'une des plus fabuleuses pages de la toute jeune histoire de l'ethnologie africaine. On a le droit de savoir. Ce que le vieux chasseur est en train de me faire découvrir sur le peuple Dogon dépasse de loin tout ce que l'on a pu penser sur les sociétés africaines. C'est fabuleux. Mais je parle trop, je... Professeur, je serai muet comme une carpe. Je vous fais confiance, Rouche. Pas un mot. Il est en train de me révéler les bases de la cosmogonie Dogon. Et leurs connaissances en astronomie sont bien supérieures à ce que l'on peut imaginer. Figurez-vous que tous les 60 ans, les Dogons font une grande fête. Ils appellent cela le Sigui. Si je comprends bien, ce Sigui permet de commémorer la révélation de la parole aux hommes et la mort de l'ancêtre mythique. Mais le plus extraordinaire est que la date de cette fête est basée sur un satellite de l'étoile Sirius. Vous me suivez? Oui. J'imagine que quand le satellite de l'étoile Sirius apparaît dans le ciel, c'est-à-dire tous les 60 ans, ils font la fête. On peut le résumer comme cela, à un détail près. Ce satellite, qu'ils nomment Fonio, il est totalement invisible à l'œil nu. Invisible. Ils ne peuvent même pas l'observer. Nous, nous savons qu'il existe grâce à nos télescopes. Mais eux ne peuvent pas le voir. C'est impossible. Attendez, professeur, je comprends pas. S'il n'est pas visible, alors toute observation est impossible. Comment une étoile que les Dogons ne voient pas peut déterminer la date d'une cérémonie? Une cérémonie, j'imagine, qu'ils pratiquent depuis plusieurs siècles et qui n'a lieu que tous les 60 ans. C'est impossible. Je sais, c'est difficile à admettre. Mais si vous ne pouvez pas l'admettre, Rouche, vous ne serez jamais ethnologue. Alors je veux bien l'admettre, si c'est le prix à payer pour avoir son diplôme. Mais j'ai quand même un petit doute. C'est bien légitime. Le vieil Ogotomeli dit que les Dogons savent, lorsque Fonio se rapproche de Sirius, car celui-ci devient plus brillant. Plus brillant? Ça paraît à peine croyable. Et vous savez quand a eu lieu le dernier Sigi ? En 1907, je pense. Mais c'est un peu confus. Le Sigi dure plusieurs années. 5, 8, peut-être 10 ans. Cela dépend peut-être aussi des villages. Je n'en sais encore trop rien. 1907, cela veut dire que le prochain aura lieu en 66 ou 67. Professeur, nous en serons, je vous le promets. En décembre 1966, quand nous arrivons à Yugo, le village est vide. Il n'est peuplé que des vieillards, des femmes, des enfants et des tortues, témoins des hommes absents. À l'ombre du toguna, de l'abri des hommes, Embarras questionne les vieux. Pouvons-nous voir le Sigi ? Va-t-il avoir lieu ? Oui, c'est le temps du Sigi. Oui, les hommes sont partis au Ghana, en Côte d'Ivoire, à Bamako, ou plus simplement dans les villages de la plaine. Mais dans un an, ils seront tous là. Et si Amma veut, si Dieu veut, vous verrez le Sigi. Vous en êtes sûr ? Oui. Vous verrez, quand les hommes âgés de moins de 60 ans, conduits par les anciens, entreront sur la place publique, ici, devant le toguna, devant notre abri des hommes. Tous en tenue du Sigi, par rang d'âge, comme un serpent, alors que les tambours battent le rythme du chemin. Oui, le masque est sorti depuis longtemps, depuis longtemps. Le Sigi est sorti depuis longtemps. Vous, répondez au chant. Oui, le Sigi est sorti depuis longtemps. Durant 3 ans, accompagné de Germaine Dieterlin, Jean Rouche revient au pays d'Ogon filmer le Sigi, qui se tient dans un nouveau village à chaque fois. Il avait à l'origine décidé de ne suivre lui-même que les 3 premiers Sigi et de passer la main à d'autres cinéastes. Pourtant, à la fin du 3e tournage, il hésite. Quelque chose l'intrigue. Ce qu'il a filmé ne correspond pas à ce que le vieil Ogotemeli a raconté au professeur Griol. Les masques, les cérémonies, les danses même sont différentes. Comme elles sont différentes aussi d'une année sur l'autre, d'un village à l'autre. Le vieux Dogon aurait-il menti ? Ou le Sigi serait-il une cérémonie religieuse bien plus complexe que Rouche avait pu l'imaginer ? Alors Jean, c'est vraiment la fin ? Toujours décidé à ne pas revenir l'année prochaine ? Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que les masques Kanaga, Satimbe ou celui de la maison ont encore à nous raconter ? Bah pour vous dire toute la vérité, Germaine, je ne sais plus très bien. Vous savez, quand j'ai terminé de monter le second film, je ne comprenais pas pourquoi je ne retrouvais pas ce que Griot l'avait écrit. Ogotemeli lui avait parlé de la présence de tous les masques. Or, souvenez-vous, l'année dernière et celle d'avant, dans les 2 premiers villages, il n'y avait pas les grands masques. Ni à Yugo, ni à Tiogou. Cette année, avec ce 3e Sigi, c'est la première fois que je constate que les 4 masques sont enfin réunis. Peut-être que ces premiers villages ne fabriquent plus de grands masques. Oui. Sauf qu'à chaque fois, les cérémonies ont été très différentes. Où voulez-vous en venir, Jean ? Je me demande si chaque année, chaque village ne présente pas une sorte d'épisode du Sigi. Je ne vous comprends pas bien. Nous savons que chaque année, il passe dans un village différent. Eh bien, je me demande si chaque année, chaque village ne raconte pas seulement un bout de l'histoire. Un bout de l'histoire ? Vous pensez en quelque sorte que chaque village joue un acte de la cosmogonie des Dogons ? Exactement, un acte. Vous avez trouvé le mot juste, ma chère Germaine, comme d'habitude. Et tous ces actes mis bout à bout racontent l'histoire du Sigi. Donc celle du peuple Dogon. Mais comment pourrait-il savoir quelle partie jouer ? Ça, je ne le sais pas. Peut-être simplement par tradition. Eh bien, mon cher Jean, je ne vois qu'une manière de le savoir, c'est d'aller jusqu'au bout du Sigi. Il faudra seulement que nous obtenions les autorisations de filmer. Nous les aurons. Croyez-moi, nous les aurons. Pourtant, cette quatrième année, le civier est reparti. Mais les gens de Bongo sont réticents à notre poursuite. À Amani, village choisi par les anciens, on nous attend. Mais le nouveau chef du village de Bongo veut que l'on consulte d'abord le Yurugu, le renard pâle. Un devin de Bongo lisse la table de divination. Ce petit tas de poussière, c'est le village d'Amani. Ce dessin dans le sable en face représente notre voiture et ses passagers. Pourrons-nous aller à Amani, y boire la bière de mille et revenir en bonne santé? Dans la nuit, les pattes du renard venu manger les graines d'arachide versées par les devins donnent la réponse. Oui, nous aurons des difficultés. Nous pouvons partir quand même à Amen. Je vous dis de partir, même ça aussi. Et nous devions apprendre beaucoup plus tard que cette réticence des gens de Bongo vient de l'interdit de voir le Sigui plus de 3 années consécutives. Le Sigui ne nous a pas attendus. Il est déjà loin dans les éboulis de la plaine. Il suit cette route sinueuse jusqu'où? Nous ne le savons pas encore. Mais le petit renard pâle, le maître du désordre, nous a donné publiquement son accord. Nous pouvons rattraper la course vagabonde du Sigui, tout à la fois sinueuse comme le serpent, comme la mort, et spiralante comme la parole, comme la vie. C'est celle qui se dessine dans la brousse de village en village, qui se dessine par la danse sur chaque place publique et qui a été dessinée il y a longtemps sur le plafond d'une caverne. Des 7 années durant lesquelles il a suivi le Sigui, Jean Rouche fait un film de 2 heures, Sigui Synthèse, un témoignage unique car personne d'autre que lui, Germaine Dieterlin et Damour Ezika n'a assisté à l'ensemble des 7 Sigui. Unique aussi parce qu'il est probable que le Sigui filmé par Jean Rouche soit le dernier. Déjà dans les années 70, plusieurs villages islamisés ne participaient plus à la grande fête de la cosmogonie d'Ogon. Le prochain Sigui devrait débuter en 2027, si, et seulement si, la culture d'Ogon ne s'est pas perdue dans les circonvolutions d'un monde qui laisse de moins en moins de place aux esprits des anciens dieux. En 2004, Jean Rouche est au Niger pour présenter son 140e film « Le rêve plus fort que la mort ». Mais la mort a, cette fois, était la plus forte. Elle l'a surpris sur une de ces pistes africaines qu'il avait tant arpentées, caméra à l'épaule. Comme il l'avait fait 50 ans auparavant pour le professeur Griol, les Dogons firent à Jean Rouche des funérailles qui le consacrèrent citoyen Dogon. Damour Ezika, qui avait été blessé dans l'accident, devait rejoindre son complice 5 ans plus tard. Il avait pourtant écrit « J'ai du travail à achever, je n'ai pas le temps de mourir. » Et même lorsque la mort viendra, Damouret se cachera sous une table. Puis elle dira « Où est passé ce couillon ?» C'était « Jean Rouche, citoyen d'Ogon » de Jean-Philippe Noël. Avec Olivier Cruveillé, Jean Rouche, Diukunda Koma, Damouret, Christiane Coendi, Germaine Dieterlin, Pauline Chevillé, Nadine, Marc-Henri Boisse, le professeur Marcel Griol, Aline Lebert, la narratrice. Bruitage, Benoît Fèvre. Prise de son, montage et mixage, Sacha Trop, Jaizan Taous. Assistant, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidorov. Bato ya likundu bato dimboka Mosala ko bebisa banzela ya baningae Aye tokotuna na sima Tina yango toko yebate Kaka makanisi ya baningae ya mabeo Aye na inina koina baninga si migina ba mandian. Baton ya di kundu, baton di mboka. Monsala ko baby sa banzela ya banigae. Ae toko tuna nasima. Lo baso ki olingi elonko. Na pesa yo, na malembe die. Kasi ako kangelanga inkandae. Elonko nanga, sengana malembe. Le monde indigène d'aujourd'hui est un immense brassage de traditions chancelantes et d'idéologies nouvelles. Et comment vous, Jean Rouche, ethnologue, sociologue et explorateur, envisagez-vous l'avenir de l'Africain ? Je peux vous dire la façon dont certains Africains voient l'avenir, ou plus exactement la façon dont ils voient les relations entre les Noirs et les Blancs. Car après tout, il est juste de savoir ce que les Noirs pensent de nous, puisque nous, nous disons ce que nous pensons d'eux. Ils m'ont dit, vous les Blancs, quand vous êtes venus chez nous, je parle du Niger, nous vous avons considéré comme des dieux. Vous pouviez tout faire. Et puis, maintenant, nous vous connaissons depuis longtemps et nous avons vu que ce qui vous intéressait, c'était la technique. Vous êtes des forgerons. Ça correspond au fait que vous savez bâtir des avions, vous savez construire des voitures. Nous, nous voulons apprendre à nous servir de ces avions, de ces voitures. Nous vous achèterons ce matériel que vous construisez pour nous. Ce changement d'opinion, si vous voulez, passer de l'état de dieu, de divinité, à l'état de forgeron, eh bien, c'est exactement dans la ligne traditionnelle. La ligne traditionnelle de l'Afrique qui considère que toute évolution de vie doit se faire suivant un rythme cyclique. Après avoir été dieu, nous sommes forgerons. Après, on trouvera un autre élément. Et ceci dépend à la fois des Africains et des Blancs. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui, Jean Rouche, citoyen d'Ogon. Notre invité, l'ethnologue Laurent Pellet, délégué général du festival Jean Rouche. Bonjour Laurent Pellet. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans Affaires sensibles, la fiction, parce que vous connaissez particulièrement bien Jean Rouche. Alors après ses études d'ingénieur, il était diplômé de l'école des ponts, démobilisé, il rencontre donc Marcel Griot, au musée de l'homme, puis part en Afrique, étudier cette civilisation qu'il fascine. Ces étapes ne sont pas, il faut l'avouer, très logiques, hein, de nombreux blancs subsistent dans son parcours. Est-ce que vous pouvez d'abord les combler pour nous expliquer le cheminement de Jean Rouche et les raisons qui l'ont fait devenir cet ethnologue réputé. Puis après, on reviendra sur la relation Jean Rouche et Dogon. Alors, les débuts de Jean Rouche en Afrique commencent par la guerre. En fin de compte, il quitte Paris en 1941 pour rejoindre l'administration coloniale des ponts et chaussées à Niamey, au Niger. Mmh. Donc là, on est assez loin du pays Dogon qui, lui, se trouve au Mali. Et là, à Niamey, comme il dit, il construit les routes de l'Empire, hein, aussi bien celle qui va donc depuis la capitale du Niger jusqu'à Gao, qui se trouve au Mali, ou en direction de l'Est, de l'Ouest, pardon, en direction donc de Ouagadougou. Et c'est l'époque où, avec des dizaines de milliers de manœuvres, eh bien, il les amène à construire ces fameuses routes en cassant du caillou, avec des pioches, avec des pelles. Il n'y avait aucun engin mécanique. Et ça, au bout d'un moment, ça révulse Jean. Il y a ça, mais il y a aussi une chose, c'est que le système colonial de l'époque était pétainiste. Oui. Et Jean, lui, n'était pas du tout de ce côté-là. En plus, il voulait avoir une relation franche, amicale, directe avec les gens. Et ce que lui empêchait son activité d'ingénieur. Il y avait une hiérarchie à respecter. Ben Rouche, un filtre, il voulait plus de ce filtre. Ah exactement, il n'en voulait plus. Il voulait en fin de compte avoir des copains. Et ça, toute sa vie, ça va fonctionner comme ça. Sa relation à l'Afrique, c'est une relation d'amis, de copains. Et d'ailleurs, au bout d'un, certain temps, nous tous qui le connaissons, il avait une bande à Rouche. Et la bande à Rouche, c'est tous ces gens, ces Nigériens, ces Maliens. Alors là, tous ceux qui vont être avec lui, autour de lui, aussi bien pour ses enquêtes ethnographiques que pour ses films. Et aussi, je dirais, pour son quotidien. Alors, vous me revenir bien sûr, et vous me disiez tout à l'heure à l'écoute de la présentation de Jean Rouge que j'en avais fait, à tort et à raison, finalement, un Dogon. Expliquez-moi ça. Oui, à tort, parce que le début de la carrière de Jean, et même pendant toute son existence, toute son activité d'ethnologue et de cinéaste, l'essentiel va se passer autour d'un noyau, qui est le noyau nigérien. Déjà, tous ces acteurs sont des Nigériens, Damo Ezika, Lam Ibrahim Dia, Talo Muzoran, représentant trois groupes culturels différents du Niger. Hein, pour Damo Ezika, c'est les Sorko, donc les gens du fleuve, les pêcheurs. Pour Lam Ibrahim Dia, c'était les Peuls, les nomades, hein, les gens qui traversent la brousse sur des centaines de kilomètres avec leurs troupeaux. Et puis, Talou, alors ça, c'est le trublion de la bande, parce que c'est un Bella, c'est un descendant de captifs de son rail, et qui peut tout faire. Ouais. Hein, Talou n'a aucun obstacle, aucune restriction. C'est l'homme qui peut tenter tous les coups. Et ça, Rouche adorait des personnages comme ça. Donc quand je vous disais, ben voilà, il n'est pas que lié au pays Dogon. Il y a cet aspect très important où Rouche fait l'essentiel d'ailleurs de ses films de fiction avec cette bande-là. Aussi bien Petit à Petit que Jaguar que vous avez cité, que Cocorico, Monsieur Poulet. Hein, cette farce cinématographique extraordinaire. Et puis, par la suite, il y a Madame Lowe au début des années 90. Mais par contre, le pays de Gon, et là vous aviez raison, c'est que c'est par lui que Jean viendra à l'ethnographie. Quand même, donc il y a un Exactement. Lien direct. Il y a un lien direct. Qui nous renvoie Jean Rouge, Dogon, Dogon, Jean Rouge. Il y a quelque voilà. chose de naturel presque, de réflexe. Mais je dirais Jean Rouge, Dogon et pas que. Bien, alors, il est considéré comme le créateur de l'ethnofiction, il est aussi des théoriciens et fondateurs de l'anthropologie visuelle, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, bien sûr. En France, oui. Ouais. Dès sa première mission, il revient en 1946-47, hein, et il fait un exploit d'explorateur et non pas d'ethnographe. Hein. Ouais. Avec deux de ses camarades, Jean Sauvy et Pierre Ponty, ils descendent l'ensemble du fleuve Niger, depuis sa source jusqu'au delta du Niger au Nigeria. Et donc 4200 km de fleuve, c'est 9 mois de pirogue, et ils reviennent avec des images. Ces images vont fasciner les ethnologues du Musée de l'Homme, à qui il est présent dès qu'il rentre. Mmh. Et là, il y a une anecdote assez intéressante et qui résume bien aussi tout ce qui a été Rouche, c'est que les ethnologues sont fascinés par ces images, lui disent on pourrait peut-être faire quelque chose. Michel Léris, qui était entre l'ethnographie, la poésie, lui dit moi j'ai des amis qui sont dans le cinéma, je vais te les présenter. Ils vont ensemble au L'Orienté, qui était l'une des rares boîtes de jazz de Paris, hein, au pied du Panthéon. Et Jean rencontre un producteur des actualités françaises qui lui dit « Ok, banco, j'achète vos images et je vais en faire un film ». Le film va s'appeler « Au pays des mages noirs », qui est le tout premier film de Rouche, hein, qui date donc de 1947. Et ce film, Rouche, quelque part, c'est son premier enfant cinématographique, mais en même temps, c'est son premier échec. Pourquoi ? Parce que le commentaire, lui, est totalement insupportable. Il a été fait par un commentateur, certainement du Tour de France, enfin de moments sportifs, on va dire. Et le rythme, l'emploi du vocabulaire, ça le révulse. Donc, il se dit maintenant... Je vais le faire moi-même. Je vais tout faire. Bah oui. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est un cinéaste ? Bien sûr. Il est un cinéaste nourri très très tôt d'ailleurs par le cinéma, et ça par le biais de sa famille. Mmh. Hein, sa famille était composée aussi bien d'explorateurs, de scientifiques, hein, de renom, mais aussi de photographes. Et il y avait un cousin qui était lié à la critique française de la deuxième moitié des années 30. Et donc avec son cousin André Aguin, ils vont courir dans les salles de cinéma de Paris, rencontrait les cinéastes quand ils étaient là. Voilà. Et Jean forme son œil de cinéaste à cette période-là. Donc quand il va passer derrière la caméra, Il a tout un savoir acquis dans les salles de cinéma. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que un des grands personnages hein, du cinéma français, de la diffusion du cinéma français, qui sera Henri Langlois, avec la Cinémathèque française, Henri Langlois disait toujours hein, aux futurs jeunes turcs des Cahiers du cinéma et réalisateurs de la Nouvelle Vague, oui. Voyez 300 films par an, et là, après, passez à la caméra. Ah ben, Rouch, il avait vu, en gros, ces 300 films avant de passer à la caméra en 47. Alors, plus Nouvelle Vague encore que la Nouvelle Vague, on pourrait dire. En tout cas, initiateur. Initiateur. Précurseur. Bon. Alors, il tourne ce film documentaire avec le sociologue Edgar Morin en 1960, Chronique d'un été, qui fait référence hein, dans le monde du cinéma et qui a soulevé des passions au centre des querelles sur le cinéma vérité dans les années 60. Donc, il est un des éléments de ce débat. Bien sûr. Le cinéma vérité, c'est une reprise qui est d'ailleurs faite par Edgar Morin au départ et non pas par Jean Rouch. Oui. Edgar Morin se réfère au travail du cinéaste soviétique Ziga Vertov dans les années 20, qui travaillait, on va dire, pour les débuts de la propagande du cinéma sous Lénine et après sous Staline. Et le cinéma vérité, c'était donc de prendre la réalité telle qu'elle était devant vous. Bon, Jean et Edgar Morin, dans Chronique d'un été, c'est ce qu'ils vont essayer d'appliquer. Mais ils vont appliquer cette approche du cinéma en la poussant un peu, en organisant les rendez-vous, en ayant réunis autour d'eux des gens qu'ils connaissaient, et surtout Edgar Morin d'ailleurs, hein, essentiellement, et notamment l'une des actrices principales, qui est Marceline Loridan, qui joue donc son propre rôle, était une enquêtrice travaillant auprès d'Edgar Morin. Et tous ces gens vont se retrouver d'un commun accord devant la caméra, mais en même temps un peu manipulés par Rouch et Morin, lors des interviews notamment. Alors, on va continuer à parler de Jean Rouch et de son application dans le cinéma, La Nouvelle Vague, je vous dirais Gare du Nord, mais ça, on en parlera tout à l'heure, Laurent Pellet. On se retrouve dans 3 minutes. Dans l'œsophage, un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il me disait, petite tête, ôte-toi de la cmimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes, cirés malheur à qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux la bouffer des yeux. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Miam. Laurent Pelé, Jean Rouche, était aussi l'inspirateur de cette nouvelle vague dont on a commencé à parler il y a quelques minutes. Alors je pense à son court-métrage dans la série Une Paris vue par en 1964, où avec ses collègues Godard, Chabrol, Romer, il signe ensuite un très beau film intitulé « Gare du Nord ». Quels étaient ses rapports donc avec cette nouvelle vague, lui l'ethnologue, je répète, avec Godard, Chabrol, Romer, trois des personnages emblématiques de la nouvelle vague. Et Rivette aussi, on peut dire. Et Rivette aussi. Alors, on ne sait pas toujours. On pourrait dire qu'il est l'instigateur de la nouvelle vague ? Non, on peut pas dire qu'il est l'instigateur. Parce bon, que, quand même. Enfin, il est pas loin, quoi. Voilà. Beaucoup de choses se sont faites au niveau des cahiers des cinémas. Bien sûr. Avec Bazin, notamment. Bien sûr. Alors, parlez-moi de Gare du Nord, justement. Mais Gare du Nord, ça sera d'ailleurs l'un de ses derniers films un peu, on va dire, enquête. Parce que il avait commencé avec donc Chronique d'un été, qu'il a poursuivi avec La Punition, avec Les Veuves de 15 ans, et là on finit cette série des quatre films sur Paris aussi. Hein. Et le lien avec la Nouvelle Vague, c'est que Rouche rencontrait tout ce monde-là à la Cinémathèque française sous égide d'Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque. Et ça avait lieu lors des projections des films de Rouche qu'il ramenait d'Afrique, et notamment Moins un noir, vous aviez cité, Jaguar. Mais tous ces films-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient projetés en muet, et que Rouche faisait le commentaire en direct. Et ça pouvait durer des heures, et puis on pouvait reprojeter deux fois, trois fois le même film. Et tous ces gens donc liés au cahier du cinéma, que ce soit les Romer, Godard et autres, assistaient à ces projections et ont appris comme ça à faire du cinéma beaucoup plus libéré de la technique. C'est-à-dire que Rouche, c'est ça aussi la force et ce qu'il a véritablement imposé au cinéma français, c'est d'avoir une caméra que l'on manie selon son bon vouloir. Ouais. Donc il faut une caméra libre, qu'elle soit plus sur pied. Il faut pas avoir des éclairages. Il faut avoir le strict minimum pour faire le maximum au niveau cinématographique. Puis il y a cette aventure cinématographique incroyable avec ce très beau film que vous avez évoqué tout à l'heure, Cocorico, Monsieur Poulet, en collaboration avec son ami Damouret. Ça c'est en 74. Parlez-nous de ce film et de la place qu'il tient dans l'œuvre de Jean Rouche. Ah ben, il tient une place majeure. Le film Cocorico, Monsieur Poulet est à l'origine de la création de la première société de production en Afrique, d'Alaruta, qui veut dire Damouret, Lame, Rouche et Talou. D'accord. On retrouve les trois acteurs avec leur réalisateur préféré. Et tous les quatre vont décider de tourner ce film à partir d'une anecdote. C'est que l'un des protagonistes du film vendait des poulets. Et Rouche part de ce petit détail et en fait toute une aventure poétique entre Niamey et la région de Niamey, le fleuve Niger, et tout ça avec un quatrième personnage extraordinaire qui est cette fameuse de chevaux break qui transporte les poulets et à qui arrivent toutes les pires mésaventures ou les merveilleuses aventures. Il y a les deux. Parce que chez Rouche, il y a toujours les deux. Et ensemble, ils construisent le scénario au quotidien. C'est-à-dire que ce qu'ils ont tourné la veille, le lendemain matin, on en discute et puis l'après-midi, on va tourner la suite. Ça veut dire que c'est la vie qui impose sa loi à la caméra et au cinéma et au plan tournage finalement. On peut dire ça en partie, effectivement, il y a le quotidien, il y a la vie, et puis il y a tout le côté imaginaire de chacun des quatre à créer leur personnage, à créer une nouvelle aventure, un nouvel épisode, parce qu'en fin de compte, c'est un film à épisode. Il y en a à peu près 4-5, un film de rencontre aussi, et tout le monde va y participer, aussi bien des membres de la famille de Damouret que des amis informateurs de Rouche qui étaient le long du fleuve Niger, pêcheurs, notamment je pense au Sorco. On va dire l'univers rouchien à Niamey se retrouve dans ce film à un moment donné pour les besoins du tournage. Alors on peut vous nous donner envie de découvrir Jean Rouche pour ceux qui ne connaissent pas et je vous en remercie. Est-ce qu'on peut dire que Rouche par ses films a soumis la France au regard de l'Afrique et l'Afrique au regard de la France? Ah oui, tout à fait, et notamment dans un film célèbre qui est Petit à Petit, quand Damouret Zika, encore lui, fait son enquête ethnographique dans Paris, qui sont ces Parisiens, sont-ils bien nourris, ont-ils l'air robustes? C'est formidable, ce front renversé. Complètement, et ça c'est effectivement Rouche est l'un des tout premiers à avoir pratiqué ce type de cinéma inversé. on inverse les regards. Pour la première fois, sur un écran, on a un Nigérien qui nous parle de ce que l'on est. C'est quand même extraordinaire. C'est formidable, bien sûr. Il avait aussi, si je peux me permettre, il avait aussi un tout petit peu commencé, un tout petit peu même sérieusement commencé, avec un film que vous avez cité, qui est Maître Fou. Oui. En 1955, parce que là, on a affaire à un rituel de possession où les possédés miment, entre autres, le système colonial français et britannique. Il y a une dose d'humour chez Jean Rouch. Toujours. Toujours, hein. De tendresse aussi. Ah oui, ouais. Énorme tendresse. C'est quoi le ciné-trans ? Ah, le ciné-trans, ça c'est... Son concept, hein, c'est, en fin de compte, c'est l'opérateur, le caméraman... est un des acteurs de la scène qu'il filme. D'accord. Il est dedans. Il n'est pas en extérieur. Il est toujours au cœur de l'action. Et en action. Bon, alors j'ai fait de Jean Rouch, je le répète, à Dogon. Ben, j'y reviens quand même, hein, parce qu'il découvre la civilisation Dogon. Il tourne, je le rappelle, 8 documentaires entre 1966 et 1973, et notamment sur les cérémonies du Singui chez les Dogons, de la falaise de Bandiagara. C'est au Mali, évidemment. Que sont ces cérémonies particulières et que signifie le Singui? Alors le Sigui, pendant 7 ans, on fête la fin d'un siècle de plus de 60 ans et en même c'est temps drôle, l'ouverture un siècle de 60 ans. Voilà, c'est-à-dire que le compute du temps chez Dogon est totalement différent d'une autre. Et donc tous les 60 ans, on ferme un siècle et on en ouvre un autre. Par cette fête extraordinaire qui réunit tous les membres de chaque village, hein, du plus petit, hein, du dernier né, jusqu'au plus âgé. Et tous ces gens doivent participer. D'ailleurs, qui a participé au Sigui rentre dans le monde des adultes, même s'il a 3 mois. D'accord. Alors, il était ensuite président de la Cinémathèque française de 1987 à 1991. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Cinémathèque ? Quelle trace il laisse dans l'histoire de cette noble institution ? Là, c'est une question assez compliquée, si je peux me permettre. Mais je suis là parce pour ça que, aussi. Jean, pour la Cinémathèque, son bureau, il était surtout au comité du film. Il était peu à la Cinémathèque, donc on venait le voir. Il faisait ses programmations dans son bureau, dans son éternel Capharnaüm et extraordinaire caverne d'Ali Baba, qui était le bureau du comité du film. Je pense que ce qu'il a laissé le plus, c'est le côté documentaire, quoi. Mmh. Bon, voilà, c'est le domaine sur lequel il était, mais pas que. Pas que, il y a eu tout un ensemble de rétrospectives et Il a fait le job, quoi. Bien. Il a fait plus que le job. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Jean n'a jamais été. C'est quelqu'un qui était lié aux institutions, qui a toujours travaillé avec les institutions, mais en même temps qui a toujours cherché à avoir une certaine distance par rapport aux institutions. Ouais. Il y avait cette volonté de rester indépendant, d'avoir sa liberté. Ça, c'est un des points qui le caractérise le plus. Alors Laurent Pellet, si nous avons peut-être invité certains auditeurs à découvrir Jean Rouch grâce à tout ce que vous avez dit, je rappelle que vous êtes le délégué général du Festival Jean Rouch qui se tient donc cette année du 4 novembre au 6 décembre, c'est bien cela ? C'est bien ça. Un mot sur ce festival ? C'est un festival que Jean Rouch avait créé en 1982, qui portait pour nom au départ le bilan du film ethnographique. Et puis en 2008, suite à sa disparition 4 ans avant, on a décidé que le festival allait porter son nom. Mmh. Et ce festival ça va être la 35e édition, et au Musée de l'Homme, qui était son musée. Merci infiniment, Laurent Pellet, et rendez-vous est pris du 4 novembre au 6 décembre. Merci. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jean Rouch, citoyen Dogon. Une fiction écrite par Jean-Philippe Noël, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon.